Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Procession, la rue et le spectacle de la religion. Mais quel étonnant spectacle que celui des processions, ces défilés de prêtres et de fidèles, pleins de solennité, avec des costumes incroyables, les reliques aussi. Ne pas oublier l'encens, toutes ces couleurs, moment exceptionnel, c'est la rue en piété. Un jumet en Belgique, une étrange procession religieuse et militaire a lieu chaque année depuis l'an 1380. L'épisode le plus curieux est celui qui se déroule dans un champ situé près du village de Timon. Tous ceux qui y posent le pied se mettent à danser. En dansant, les pèlerins, soldats, civils et même les membres du clergé font trois fois le tour du pré qui a reçu le nom folklorique de Terre à Danse. Selon la légende, le seigneur du lieu aurait en 1200 conjuré une terrible épidémie de peste par une procession propitiatoire à laquelle prirent part ses hommes d'armes, ses paysans et le clergé. À l'annonce de cette bonne nouvelle, tous les pèlerins auraient manifesté leur joie par une farandole qui a donné à cette terre son nom. Très solennel, une procession. Enfin bon, là, nous sommes en Belgique en 1946 dans les actualités françaises. Bonjour Gaël Rideau. Bonjour. La procession ici, bon, solennelle, bien sûr, assez festive. Souvent. Souvent. C'est un moyen aussi de faire la fête. Et en fait, là, dans le petit son que vous avez passé, il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont des marqueurs de certaines processions. Il y avait le côté curieux, c'est-à-dire le côté anecdotique, on vient voir, parce que ça, vous l'avez dit, ça peut être un spectacle, même si c'est d'abord un rituel religieux. Et c'est d'abord une prière en marche, comme voilà, pour reprendre un peu l'expression. Et c'est d'abord cette dimension-là, on vient en procession pour faire pénitence, pour demander éventuellement quelque chose et pour remercier. C'est l'action de grâce, c'est ce qui était invoqué un peu dans votre son. Donc la base est d'abord cette dimension religieuse et on a en fait un rassemblement de la communauté autour de cet événement. Et le son, là aussi, j'ai noté ça en l'écoutant, il y a la dimension de l'origine. Souvent, ça renvoie à un élément qui peut être, alors là, dans le cas de ces processions d'action de grâce, ça peut être un élément récurrent auquel on renvoie, dont on entretient la mémoire, et c'était bien dit dans le son, avec, et on cherche l'origine, on essaie de dater de quand ça date. Donc la procession, ça peut être ça. Ça peut être cette fête un peu collective. On reviendra peut-être sur le terme de populaire que moi je ne reprends pas à mon crédit, mais il y a ça. Et puis après, là, il y a la grande procession aussi, qui est la procession, on va dire, du calendrier universel catholique, de la fête Dieu, par exemple, que l'on va retrouver dans tout le monde catholique. Mais j'ai envie de dire, avant de parler, de ce dont on va parler ce matin, en fait, on va parler de procession rare. Parce qu'en fait, les processions générales, les processions solennelles que vous avez présentées, c'est les moins nombreuses. Les plus nombreuses, c'est des processions de paroisses, de communautés de métiers, de communautés religieuses, de chapitres, dont beaucoup restent dans les murs, en fait, d'un bâtiment ou dans un cloître. Donc, en fait, les processions qui sortent, celles dont on va parler, voilà, ce sont les moins nombreuses, mais bien sûr les plus visibles et celles sur lesquelles les enjeux sont les plus importants. C'est-à-dire que, à côté des processions que nous connaissons parce que nous les voyons dans la rue, elles sont très visibles, il y a des processions cachées, privées. Il y a des processions à l'intérieur des édifices, déjà. Alors, elles ne sont pas cachées privées, mais elles, parce que le public peut y participer, mais elles sont dans la limite de l'église, avec comme, en fait, l'église qui reconstitue un parcours avec des arrêts. Et puis après, en effet, il peut y avoir des processions plus particulières, c'est-à-dire qui sortent dans la rue, mais qui ne concernent qu'un groupe, qui ne concernent pas toute la ville, vous voyez, comme, ou tout l'espace donc villageois, comme ça a été évoqué dans le son précédent. Dans cette archive, et vous l'avez rappelé, Gaël Rideau, il y a la profondeur historique. Alors, on sent que vraiment, il faut une origine à cette procession. L'historien que vous êtes, professeur d'histoire moderne à l'Université d'Orléans, arriverait à dater les processions. Est-ce qu'il y a un moment où les processions, on sait bien qu'il n'y a pas une origine sur ce phénomène-là, mais où les processions deviennent un moment récurrent dans le rite, dans la liturgie? Alors là, vous faites allusion à un grand débat du 18e, puisque moi je suis spécialiste du 18e. En fait, il y a deux hypothèses. C'est-à-dire que pour l'Église, la procession vient de l'Ancien Testament. Ils prennent comme exemple Jéricho et les trompettes de Jéricho, ou les voyages, on va dire, de l'Arche dans Jérusalem. Et donc, il renvoie à cette dimension pour l'enraciner dans un passé biblique. Et ensuite, on sait bien qu'elles ont disparu avec la persécution, on va dire, enfin, l'apparition du catholicisme et sa persécution, et elles se développent au Moyen-Âge. Et ensuite, donc, se développe. Pourquoi je dis qu'il y a un débat? Parce qu'en fait, pour les auteurs des Lumières, si vous prenez l'article procession, par exemple, dans l'encyclopédie, il est dit qu'il n'y avait pas de procession. En fait, ce que je vous ai dit, Jéricho, Jérusalem, c'est pas des processions, mais que les vraies processions, en fait, sont des créations récentes, entre guillemets, c'est-à-dire du moment où le catholicisme devient la religion officielle, où il sort des catacombes, où il peut se montrer, et donc c'est 5, 6, 7e siècle. Donc, en fait, ça devient une création récente. Et cette création récente, les Lumières l'enracinent dans les processions, les cortèges qui viennent de la Rome antique, de la Grèce ancienne, c'est-à-dire que ce sont des rituels païens. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, il y a cette discussion-là, mais pour le monde catholique, ça apparaît dès le 5e, 6e siècle, avec, notamment autour des questions de peste, par exemple. Puis après, il y a la création de la fête de Dieu au 13e siècle, et puis il y a tout un historique de ces éléments. Et puis, chaque procession, j'ai envie de dire, chaque ville peut avoir sa procession qui, elle, bien sûr, comme il était dit dans votre archive, a une date particulière. Donc ça s'égrène comme ça, on peut en créer, j'ai envie de dire, tout au long de la période, enfin des périodes. Au XVIIIe siècle, ouais. Il y a beaucoup de processions. Ce moment procession, c'est quelque chose qui rythme le calendrier, la vie des gens? Oui, je crois. Enfin, c'était l'un des éléments d'interrogation, en fait, c'est que, parce qu'il y avait l'affaire Laborde, dont on reparlera peut-être, qui apparaissait comme un peu un apax. Et en fait, quand on fait des calendriers, par exemple, Jean-Louis Boscardin avait regardé pour Paris en 1766, il a compté environ 200 processions à Paris en 1766, mais je vous dis qu'il ne mobilise pas forcément toute la ville. Mais ça marque, oui. Ça marque, et notamment lorsqu'elles deviennent générales et qu'elles envahissent, on va dire, l'espace urbain. Bah, dans ces moments de procession, vous venez d'évoquer l'affaire du chevalier de la Barre, mais il y en a d'autres, hein. Il y a l'affaire Calas. C'est lié à chaque fois à des processions. Très pertinent de se dire, j'étudie le moment procession pour comprendre en quoi ces affaires-là s'inscrivent dans un phénomène plus vaste. Oui, totalement. Et bon, à titre personnel, c'est une surprise. Voilà. Mais en effet, on retrouve la procession, ce qui veut dire que la procession garde une signification. Elle est signifiante encore au XVIIIe siècle. Alors, sans rentrer dans le récit, mais l'affaire la Barre, c'est... En fait, l'accusation et la condamnation à mort du chevalier de la Barre reposent sur l'idée qu'il n'a pas salué une procession, ce qui a motivé donc tout un ensemble de textes, notamment de Voltaire pour l'auteur le plus connu, mais aussi de Linguet, par exemple, qui fait un mémoire judiciaire. Et cette affaire est très intéressante parce qu'en fait, l'accusation du non-salut de procession vient dans un deuxième temps dans l'affaire. Parce que le premier temps dans l'affaire, c'est la profanation d'un crucifix sur un pont. Ça n'a rien à voir avec la procession. La première enquête ne donne rien, mais dans cette enquête ressort qu'il y a des jeunes gens qui sont accusés de gestes d'impiété, dont ne pas avoir salué une procession. Et là, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'en fait, va se poser petit à petit, parce que l'affaire a lieu en 65-66, mais en fait, des traités continuent jusque dans les années 70. On va se poser la question de ce qu'implique le passage d'une procession, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est obligé de la saluer, à quelle distance on doit éventuellement faire un détour pour aller la saluer. Et donc se pose la question, la procession, la salue-t-on ou pas? Et par rapport à ce qu'on disait en introduction, un des éléments de défense, ça va être que cette procession n'est justement pas une procession générale, c'est une procession de capucins, c'est-à-dire une procession particulière, donc qui n'entraînerait pas les mêmes obligations qu'une fête Dieu, par exemple, etc. etc. Et avec l'affaire du chevalier de la Barre, nous sommes en 1700, donc vous l'avez dit, 65-66 à Abbeville. Pour l'affaire Calas, on est quelques années plus tôt, 5 ans plus tôt, 62. Ouais, dans cette affaire-là, et l'affaire Calas, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous sommes à un moment où le religieux s'expose dans l'espace public. Alors oui, mais là, c'est par le contre-coup. C'est-à-dire que ce n'est pas l'origine de l'affaire, puisque l'origine de l'affaire, c'est un drame familial, entre guillemets, avec donc la mort de l'un des fils Calas. Et en fait, la procession vient parce qu'à Toulouse, donc, qui est le lieu de l'affaire, se développe tous les ans, depuis 1562, une procession en mémoire de l'expulsion des protestants de la ville, donc dans le cadre des guerres de religion. Et donc, tous les ans a lieu cette procession. Et en fait, hasard du calendrier ou pas, mais l'affaire Callas et sa résolution coïncident avec la date de la procession et le bicentenaire de la procession. Et donc, dans cette procession, ressort l'idée que on revit les guerres de religion, puisque c'est un protestant qui est accusé d'avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Et un certain nombre de voix, d'après les auteurs les plus critiques, expriment le fait que, dans la procession, on avait voulu, à la fin de la procession, exécuter Callas comme on aurait pu le faire en 1562. Donc il y a là une sorte de retour, on va dire, de ces guerres de religion. Et plus largement, Voltaire notamment parle de fanatisme autour de cette procession et de l'idée qu'elle entretient ce fanatisme et donc qu'elle crée un environnement, on va dire, néfaste pour la coexistence et la tolérance. Pour explorer l'affaire Callas, rien de mieux qu'une caméra qui explore le temps. Évidemment, la culpabilité de Callas n'a pas à être mise en question. Elle est démontrée par quantité de choses et, je le crois, par notre émission. Voltaire, lui, a voulu faire réhabiliter Callas en prouvant que son fils était suicidé. Il a réussi à le faire réhabiliter, mais est-ce que cela prouve vraiment que Marc-Antoine Callas s'est suicidé? Certains historiens ne le pensent pas. Et je dois dire qu'actuellement, d'excellents historiens, par exemple Monsieur René Pomeau, qui est un des meilleurs connaisseurs de Voltaire, pensent que Marc-Antoine Callas ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été assassiné. Je dois dire personnellement que je ne suis pas convaincu par le raisonnement. Personnellement, je trouve que le suicide de Marc-Antoine Callas est logique. Ah, ça, c'est Alain Decaux qui le dit en 1963, la caméra explore le temps. Marc-Antoine Callas donc, est retrouvé mort, suicide ou assassinat, par son père Jean Callas, qui est exécuté de manière effroyable. Il est roué, c'est un moment particulier. Mais quand Voltaire se saisit de la question, c'est vrai que la culpabilité de Jean Callas, oui ou non, c'est intéressant en soi, mais c'est surtout le regard porté par Voltaire sur ce qu'est le moment religieux dans l'espace public. Ça veut dire que dans ce XVIIIe siècle, on a un nouveau regard porté sur ce qui se passe avec ces processions. Oui, tout à fait. Je crois, c'est-à-dire que ces affaires mettent en question la place du religieux dans l'espace public. Et Voltaire est l'un de ceux qui va le plus loin dans à la fois la réflexion et en même temps, j'ai envie de dire, il y a plusieurs Voltaire parce que la question de cette place des signes, par exemple, si on reprend l'affaire Labarre, en fait, il la traite dans le deuxième traité, c'est-à-dire dans les années 1770. Et pour lui, en fait, il affirme l'idée que la présence de signes religieux dans l'espace public devient une provocation parce qu'elle impose une religion à d'autres. Voilà. Et donc, pour lui, il faut renfermer cette présence religieuse dans l'espace public. Et pour la procession de Toulouse, pour refaire le lien avec Callas, il y a une autre dimension, c'est que, en fait, cette procession continue d'entretenir la haine, puisqu'elle est faite en mémoire des guerres de religion. Et donc, la procession, pour le coup, devient chez lui l'image du fanatisme. Un, parce qu'elle impose une présence à ceux qui ne croient pas ou qui ne croient pas la même chose. Et deux, parce qu'elle entretient des haines et elle entretient l'opposition entre, on va dire, les religions, pour faire vite. Donc, à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui m'a intéressé aussi, c'est que la procession ressort comme quelque chose d'extrêmement important pour réfléchir à la constitution d'un espace public et à la possibilité ou pas de construire un espace public sur ou avec le religieux, si vous voulez, selon les questions qu'on peut poser. Donc, il me semble que c'est l'un des enjeux. Oui. Gaël Rideau, Une société en marche, les processions en France au XVIIIe siècle, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez Champvallon. Dans cette histoire-là, c'est vrai que nous voyageons énormément, parce qu'avec l'affaire Callas, nous sommes à Toulouse, avec l'affaire du Chevalier de la Barre, nous sommes à Abbeville, on traverse la France, mais on peut faire un petit tour à Provins. Bonjour Maxime Herman. Bonjour. Provins, petite ville fort sympathique et encore aujourd'hui sublime à visiter, qui, comme on va dire toutes les villes de France, voit dans la rue passer des processions. Ça ressemble à quoi une procession à Provins au XVIIIe siècle ? Les processions à Provins, alors Provins c'est une ville de 5000 habitants environ, 5500 habitants au XVIIIe siècle. Les processions marquent vraiment l'espace public. Ça ressemble à une célébration comme l'ensemble des processions de France, où on va décorer, alors ça n'a pas le faste des fêtes dieu parisiennes, où on va tapisser les murs, où on va remplir les rues, recouvrir les rues de fleurs, mais ce sont des moments festifs, et les procès-verbaux insistent sur ce moment festif. Et ça se termine toujours généralement très souvent par un banquet, par des moments de danse, après la messe, tout en gardant ce côté très ritualisé, où on va vraiment insister sur le parcours, l'itinéraire de la procession dans la ville, parce que c'est le principal enjeu, c'est vraiment le centre des discussions et des tensions dans la ville, dans les paroisses, Surtout que Provins est une ville où il y a une ville basse, une ville haute. Aujourd'hui, quand on visite Provins, aller de l'un à l'autre, ce n'est pas évident, mais c'est encore plus difficile au XVIIIe siècle, parce qu'il n'y avait pas les travaux d'aménagement qui ont été faits au XIXe. Donc c'est très compliqué, la communication entre les deux. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça occupe l'espace, et chaque procession a sa particularité, on ne va pas aux mêmes endroits. Voilà. Et ça se termine par un banquet, comme dans les albums d'Astérix et Obélix. Oui, voilà. pas toutes, mais... Et avant, il y a donc le chemin parcouru par la procession. Vous nous dites bien qu'il y a un choix, qu'il y a des discussions. C'est-à-dire que choisir la rue, les rues par lesquelles doivent passer la procession, c'est très important. Pourquoi ? Il y a un choix particulier, symbolique, ou alors simplement de côté pratique ? Il y a un choix, tout dépend de la procession. Si par exemple... il y a une procession qui va être paroissiale, on va être une procession patronale. Je pense par exemple à la procession de la ville basse où on célèbre Saint Ayoul. Là, la procession va rester principalement en ville basse. On va aller en station dans les couvents, les collégiales, les églises de la ville basse. En revanche, si c'est une grande célébration, où ça peut être une fête Dieu, ça peut être une procession pour un jubilé par exemple. Là, le choix est très important de savoir d'où l'on part et où on arrive. Voilà. Et à Provins, il y a un jubilé en 1770 qui est à l'origine de très très grandes tensions. La ville se déchire pendant plusieurs années parce que on veut savoir si on part de la collégiale de la ville basse, Notre-Dame-du-Val, pour aller à Saint-Quiriace ou l'inverse. Et l'église de Saint-Quiriace, qui est vraiment cette grande église que l'on voit de très loin, qui domine Provins, réclame sa primauté. Et vraiment, il y a des procès, il y a énormément de procès autour de cette question. Et la ville se déchire, on va débuter des processions des deux côtés. Et voilà, donc c'est vraiment très très important de savoir où l'on va. Est-ce qu'on s'arrête dans les couvents mendiants, dans les églises paroissiales, voilà. Il y a vraiment un vrai débat sur ces questions. La ville vraiment se déchire sur ces questions-là. Ces débats qu'on a à Provins, Gaël Rideau, on va les retrouver partout en France. En fait, dans chaque paroisse, il peut y avoir les mêmes questionnements avec, et il faut le souligner, mais vous l'avez déjà évoqué, cette pluralité des processions. On l'entend bien, il n'y a pas un type de procession figé, ça peut prendre toutes les formes possibles. Exactement, et comme vient de le dire Maxime Herman, en fait, il y a, on va dire, les processions régulières qui reviennent régulièrement et qui passent par le même chemin, on va dire, quasiment pendant des siècles, à tel point que quand on est historien, c'est compliqué de savoir par où elles passent parce que ça n'est jamais précisé. On précise quand ça change. Sinon, oui. Comme tout le monde le sait, on ne le précise pas. Donc, vous avez comme à l'ordinaire. Voilà. Et en effet, il y a des processions après qui peuvent entraîner des débats sur le choix. Donc, Maxime a parlé des jubilés. Il y a aussi des fois des politiques municipales sur certaines processions mémorielles où on va changer le parcours pour des raisons, vous avez évoqué, de pratique, mais aussi d'esthétique, voire politique. Alors un exemple que je connais bien, c'est à Orléans, par exemple, puisqu'on va créer une grande rue dans les années 1750-60, qui est vraiment l'image de l'urbanisme, et on va déplacer la procession pour la faire passer par cette grande rue, qui est une rue encore très large, la rue Royale encore aujourd'hui, hein, très large, avec des façades symétriques, qui donnent un décor beaucoup plus solennel, pour le coup, à la procession. Donc le choix se limite en fait à un certain type de procession, et sinon, l'enracinement est un élément clé. C'est-à-dire que le fait de passer par le même chemin est un élément essentiel et devient un élément, un gage de réussite de la procession, parce qu'il ne faut jamais oublier pourquoi on processionne en fait. Voilà. Et on peut processionner par exemple pour demander de la pluie ou l'arrêt de la pluie, on peut processionner pour remercier Dieu de quelque chose, on peut processionner pour honorer le Saint-Sacrement avec la fête de Dieu, et le fait de repasser par les mêmes endroits a une signification. C'est-à-dire que, on le voit quand on travaille sur une ville, il y a d'autres voies possibles en fait. C'est pas qu'on passe par là parce qu'on n'a pas le choix, si vous voulez, mais il y a d'autres voies possibles. Et donc, il y a cette idée de reconduire. Et alors, pour passer par les rues, la procession, ce qui est intéressant avec la procession, c'est qu'elle ne crée pas un espace particulier, puisqu'elle passe dans l'espace quotidien. Ce que vous évoquez depuis le début de semaine, la rue, voilà, où tout se passe, tout ce que vous avez évoqué. Seulement, la rue doit être transformée. Transformée, c'est-à-dire qu'elle doit être nettoyée. On enlève tout ce qu'on peut, donc vous avez des ordonnances de police qu'ils demandent. Elle doit être décorée dans la mesure du possible et des moyens de la ville. Elle doit être pacifiée aussi, donc il ne doit pas y avoir d'éléments qui empêchent la marche. Donc il y a aussi cette problématique-là autour de la rue. Donc choix, oui, mais limité, j'ai envie de dire. Voilà. Mais quand il y a choix, derrière, il y a des volontés qui peuvent être politiques, pratiques, etc. Oui, du symbolique évident dans les choix de rue de la procession et puis du pratique. Mais la rue est transformée, on l'entend bien au moment de la procession. C'est-à-dire que les habitants alors participent depuis leur logement si la procession passe devant chez eux. C'est ça, il y a des décorations. Comment ça se passe à Provins? Donc vous avez dit, Provins, c'est Provins, oui. Mais c'est partout en France. Et plus ou moins important selon les villes, j'imagine. Orléans, c'est exceptionnel. Donc, faut mettre des choses au sol, des fleurs, de la paille, faut décorer les façades ? Oui, alors, moi, pour Provins, pour l'exemple de Provins, il y a très peu de description de la rue pendant la procession. Mais on peut le deviner, parce que déjà, lors des grandes processions, il est interdit de travailler. Déjà, donc les boutiques sont fermées, donc ça, c'est très important. Provins étant dans un milieu agricole, il y a certainement, c'est quasiment certain, des décorations, des fleurs, peut-être des gerbes de blé. Voilà, et donc, forcément, et le fait que les boutiques soient fermées, peut-être les volets aussi, voilà, c'est quelque chose qui doit marquer l'esprit et qui montre que la rue et l'espace public au passage de la procession est dédié à la procession. La procession prend le pas en fait sur toutes les autres activités et la personne qui va continuer à travailler lors du passage de la procession peut-être sanctionné. Il y a des règlements de police. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi lors du passage d'une procession. Donc nécessairement l'espace sans le faste des grandes villes, le passage de la procession entraîne la transformation de l'espace public au moins momentané. Direction Provins. Des cavaliers qui parcourent la place Saint-Aïoul. Le maire, entouré de son conseil municipal, qui défile en costume. Provins fait revivre aujourd'hui sa fête médiévale disparue depuis une quarantaine d'années. Dans une joyeuse émulation et rien n'arrêtant l'imagination des Provinois, Quasimodo a quitté cet après-midi les tours de Notre-Dame pour celle de Saint-Aïoul. Les commerçants ont été les premiers à répondre à l'appel, transformant leur boutique en échoppe du XIIIe siècle. Mais une large partie de la population a suivi, retrouvant le goût du costume et de la fête. Dans FR3, c'était FR3 1984, la fête médiévale à Provins, Gaël Rideau. Dans ce son, on retrouve cet esprit festif autour de ce qui est une reconstruction, là, en l'occurrence, d'un passé, un passé médiéval, parfois fantasmé, mais qui est très intéressant parce qu'il nous conduit à réfléchir sur ces moments particuliers de procession. Vous nous avez bien dit que ça pouvait être un moment festif, on a évoqué l'idée du banquet, mais la procession, c'est aussi parfois extrêmement solennel parce qu'il y a une demande. Vous avez parlé de la demande, alors de la pluie, mais vraiment la pluie qui tombe. Hein, c'est pas l'appui d'appuyer du saint, mais c'est un peu les deux d'ailleurs. Non, mais voilà, on peut faire une procession dans un moment de tension sociale. Oui. Ben en fait, il me semble que la dimension importante de la procession, c'est que la procession met en jeu, on va dire, l'idée de communauté pour moi. Enfin, c'est un élément essentiel. La communauté qui peut être très locale, hein, la paroisse, etc. Mais là, si on parle des générales, elle met en idée la communauté urbaine ou villageoise, mais on va dire la communauté urbaine. Et donc, autour de cette idée-là, c'est là où l'efficacité de la procession dépend, et tous les traités de liturgie, ce que vous lisez pour le plan religieux, disent qu'il faut l'unanimité et la ferveur. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est que tout le monde participe. Alors attention, tout le monde, ça ne veut pas dire tout le monde individuellement, mais ça veut dire tout le monde au moins par corps. Et l'idée essentielle dans les descriptions dont on a parlé juste avant là, l'archive, c'est le public. Il faut qu'il y ait beaucoup de public parce que le public fait partie de la procession et valide la procession. Voilà. Donc il y a cette idée de communauté et en effet, elle peut apparaître donc, cette procession dans des moments de joie, dans des moments de crainte, ou dans des moments de tension. Donc pour reprendre la question, on va aller sur la crainte et la tension plutôt, mais en fait c'est par exemple ce que j'ai appelé tout à l'heure les processions climatiques, donc c'est les processions pour la pluie ou pour l'arrêt de la pluie, pour faire très vite, et en fait elles sont donc convoquées, on va dire, à des moments, et celles-là elles sont pas régulières, c'est-à-dire qu'il y a une demande, et la demande est un enjeu politique parce qu'elle vient de la population souvent, et des fois il y a des oppositions entre, on va dire, pouvoir municipal pour faire vite et puis population, et elles apparaissent dans des moments de tension, c'est-à-dire que s'il y a trop de pluie ou pas assez, les récoltes ne sont pas bonnes, donc le prix du grain augmente, les céréales qui sont la première source d'alimentation, et donc il y a une tension sur les marchés qui peut devenir une tension sociale, et la procession rentre dans un jeu, on va dire, d'apaisement, ou parfois d'éléments de manifestation d'une tension sociale. Donc il y a aussi cette dimension pour ces processions-là. Il y en a quelques affaires qui montrent que ce n'est pas simplement une projection d'historien, mais qu'il y a des vrais enjeux. Si on a le temps, j'en cite deux très rapidement, dans deux sens différents. La première, alors toujours Orléans, mais ce n'est pas pour parler d'Orléans, mais c'est un élément plus emblématique. En 1770, donc au moment où il y a un problème de récolte et les prix augmentent très fortement, en fait, la ville est sollicitée pour sortir la relique de Saint-Aignan, qui est la relique du Saint-Patron, donc en procession. Et le greffier de la ville précise bien, et dans le compte-rendu, qu'en fait, on la sort en raison du cri de la foule. Donc c'est la population qui est rassemblée, qui demande. Et là, on est vraiment dans une mesure d'apaisement, c'est-à-dire qu'on provoque on convoque la procession pour apaiser la population. Donc c'est un élément d'apaisement. À l'inverse, on va se déplacer, on va aller à Marseille par exemple en 1709, donc on remonte dans le siècle et on descend dans le royaume, mais à Marseille donc en 1709, même chose, donc c'est le grand hiver, hein, les problèmes de récolte également, et en fait la population demande une procession, la ville la refuse, parce qu'il y a donc des émeutes dans la ville, et à la procession suivante de la fête Dieu, en fait la population va manifester son mécontentement contre les élites municipales, parce qu'elle n'avait pas donc provoqué et convoqué la procession. Procession à Marseille. Procession à la Vierge Dorée au panier à Marseille. Gaël Rideau, mais alors ce côté populaire, parce que on peut l'évoquer, c'est en cela que c'est complexe, hein. Vous tiquez sur ce mot populaire, ouais. Mais parce que la procession est bien organisée par quelqu'un. Alors il y a cette demande parfois de la population qu'il se passe quelque chose, mais l'organisation, elle vient des élites. Alors l'organisation, le mot au final vient des élites. Pourquoi je tique sur le mot populaire? C'est parce qu'en fait, quand on parle de religion populaire au sens large et notamment de procession, et là pour les processions, en fait quand on regarde les sources, c'est pas forcément le peuple au sens social du terme. On peut avoir des bourgeois qui sont associés à la procession, qui sont du côté de ceux qui demandent la procession aussi, qui vont y assister avec émotion, etc. Donc en fait, c'est plutôt deux manières de voir la religion et dans le cas présent, deux manières de voir l'approvisionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on demande à Dieu un miracle, entre guillemets, ou du moins un temps clément, ou est-ce qu'on demande au roi plus de grains et une libre circulation du grain, si pour caricaturer, bien sûr. Mais il y a derrière cette idée-là. Donc en fait, c'est pour ça que je tique sur populaire. Après, la manière dont ça se présente, c'est que la ville se présente toujours comme la porte-parole de la population. C'est-à-dire que si elle convoque la procession, c'est que la population l'a demandé. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée du bien commun, hein, une idée donc au moins médiévale, voire avant, mais c'est l'idée du bien commun, c'est-à-dire qu'il y a un devoir. Et après, dans l'organisation, il peut y avoir une rivalité entre les pouvoirs. Alors, plus la ville est grande, plus il y a de pouvoir, plus il y a de rivalité possible. Donc, Maxime Hermant a cité là les deux institutions religieuses, par exemple, pour le jubilé. Ça peut être entre un pouvoir municipal et un évêque, par exemple, sur l'organisation, ou un chapitre, parce qu'il y a la question de qui possède la relique dans le cadre de ces processions qu'on va sortir, parce qu'il faut l'accord de tout le monde. Et justement, je parlais d'unanimité tout à l'heure. Ce qui ressort, c'est qu'il faut l'unanimité des pouvoirs. Donc il faut la ville, il faut l'évêque s'il y en a un, il faut le chapitre, il faut la communauté, s'il y a un parlement, il faut le parlement. Vous voyez, et cette unanimité va encore être un gage de réussite, on va dire, de la procession. Et avec une communauté réunie, ce qui signifie de la hiérarchie. Parce que la procession s'organise, hein. C'est pas tout le monde y va, allez hop, comme je te pousse. C'est très organisé une procession. Ça se déroule comment? Enfin, au sens où il y a des tensions, j'imagine, un peu de préséance où tout est extrêmement normé. Tout est normé et donc tout est remis en débat. Voilà. C'est ça. En fait, tout est organisé. Il y a des choses très précises. Alors, au niveau de l'organisation, on peut distinguer deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau au sein des élites, pour faire vite. Donc, où là, il y a des places, mais qui vont entraîner des querelles de préséance très, très abondantes. D'où le fait que certains corps décident de ne pas assister à la procession pour ne pas reconnaître la primauté d'un autre corps. Donc là, ça noircit des pages et des pages d'archives de procès qui sont très agréable à lire, pour un historien. Oui, faut passer par là. Voilà. Mais ça rejoint les problématiques de Fanny Cosendet dans son livre sur le rang. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas à la cour, mais où on va mobiliser l'histoire pour justifier sa place, où on va essayer de créer un précédent et donc faire constater le précédent pour la procession suivante. Et puis il y a aussi l'organisation, on va dire, de la population, c'est-à-dire des corps de métier. Et là, on a une rigidification, me semble-t-il, au XVIIIe siècle sur ce qui est imposé au corps de métier, à la fois sur les heures de présence, sur la présence, sur la manière dont ils doivent être habillés, etc. Et puis, il y a la question du peuple. Donc, le peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les corps de métier. Et là, en fait, Maxime Armand parlait des descriptions tout à l'heure. Dans les descriptions, la procession s'arrête là où le peuple commence. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple processionne aussi, mais il processionne derrière, et donc on ne le voit pas apparaître dans les descriptions. Ce qu'on a, c'est les rangs, et quand vous prenez des images de procession, vous avez de représenter les rangs. Donc, sous forme d'un serpent, on va dire, d'un S, où vous avez tous les rangs qui sont représentés, et le peuple est représenté de manière un peu symbolique, allégorique, avec 3-4 personnes, ou alors le public qui regarde. Alors que derrière les rangs, on va dire, bien organisés, il y a tout un ensemble de personnes. Mais oui, c'est très hiérarchisé, il y a des grands enjeux locaux autour de ces questions de procession, et que ce soit la police ou la ville... vont développer un discours sur l'ordre avec, on va établir des tableaux, par exemple pour les corps de métier, des tableaux avec les rangs, qui doit être là, à quel moment. Donc oui, cette question d'organisation est essentielle. Maxime Hermand, dans le cas de Provins par exemple, est-il imaginable qu'au XVIIIe siècle, quelqu'un refuse de participer à la procession? Parce que on l'entend bien, il y a cette idée de corps et nous réfléchissons beaucoup en individu. Alors est-ce que la question se pose au XVIIIe siècle? Non, d'après ce que j'ai pu observer, non, la question ne se pose pas. La question se pose, comme vous l'avez très bien dit, en termes de corps. C'est vraiment, c'est le clergé qui est composé de différents corps, les chapitres collégiaux, les paroisses, les communautés régulières, ça peut être des confréries, ou alors des communautés de métiers, voilà. Et ça se pose en termes de corps vraiment. Et la question de l'individu n'est pas posée. Vraiment, quand on a une description d'une procession, les noms des individus sont très peu présents, sont vraiment très très rares. Ça va être peut-être la personne qui va célébrer la messe à la fin de la procession, voilà, c'est tout. Mais en revanche, il y a très peu de noms, ou alors ça va être la présence du maire, et encore, on va surtout citer la fonction plus qu'un nom. Mais que les individus ne participent pas, ça paraît exclu. Mais en tout cas, à Provins, j'ai pas eu de cas de dénonciation de non-participation, en tout cas. Gaël Rideau, c'est vrai que se dire moi je vais pas aller à la procession parce que non, est-ce que c'est quelque chose qui est notable? Alors oui, si on appartient à un corps, j'imagine, vous l'avez dit, dans ces tensions, mais l'individu, celui du peuple qu'on évoquait, celui qui est pas représenté à la fin, est-ce que on surveille s'il va à la procession? En fait, là, il faut distinguer quand même parce que dans les années 70, il y a une tension autour des corporations de métiers et certaines revendiquent le fait de ne pas y aller ou du moins de ne pas être contraintes d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y vont pas, mais ne veulent pas être contraintes d'y aller. Vous voyez, voilà, c'est un peu une discussion liberté-suggestion qui monte dans les années 70 et qui va s'affirmer dans les années 80. Après, à l'échelle individuelle, en fait, c'est très différent. À l'échelle individuelle, si vous êtes un notable, un pouvoir, etc., ne pas y aller... ça peut être un élément d'affirmation, on va dire, de refus. Mais sincèrement, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la procession du 19e siècle, ouais. Où le fait de ne pas y aller a un sens politique, voire religieux. Là, c'est une fête communautaire avec cet élément religieux. Donc, ça ne se pose pas de la même manière. En revanche, on en a qui mettent en scène leur non-venu. Je pense au notaire dauphinois Candy, par exemple, qui a fait un journal assez mémorable, donc dans lequel il mentionne les jours de procession et les jours où lui jouait au boule avec des amis, par exemple, où il n'y est pas allé. Et le fait de le dire, enfin de l'écrire, entre guillemets, montre cette dimension. Donc, ça se pose pas en termes de, on regarde qui est là et qui n'est pas là. Alors si, j'ai envie de dire, dans les sociétés plus villageoises, par exemple, ou plus petites, où là, il va y avoir... Par contre, il y a la question de ceux qui, ostensiblement, s'y opposent. Et on peut penser, par exemple, aux protestants, alors là, notamment au moment des 16e, 17e, et même encore au 18e siècle, qui ferment leurs volets quand la procession passe, ou alors, comme la barre tout à l'heure, qui ne s'agenouillent pas quand la procession passe ou qui ne se découvrent pas quand la procession passe. Donc c'est plutôt dans ces termes-là, si vous voulez, que ça se pose. Mais il n'y a pas d'obligation et de geste politique, j'en pense. Voilà. Voilà, les protestants qui chantent aussi très fort dans les temples au moment où passe la procession. Ah oui, y a tout un jeu là. Voilà, donc au moment où tout le monde marche en communauté, il y a quand même quelques-uns, comme votre notaire Candy, qui refusent. Je marche seul. Dans les rues qui se tordent, et à qui me pardonne, je marche seul, en oubliant les heures. Je Voilà, Jean-Jacques Goldman qui marche seul dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, le cours de l'histoire en procession, parce que nous marchons en communauté Galerie d'eau pour un véritable spectacle. Nous l'avons évoqué, même en parlant de Provins, les yeux sont mobilisés parce que tout est décoré, il y a les tenues, mais il n'y a pas que la vue qui est mobilisée, tous les sens en fait. Tous les sens sont mobilisés. Alors, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de spectacle de religion, qui est un terme qui au XVIIIe siècle, là aussi, fait débat. Et vous auriez dit ça au XVIIIe siècle, on vous aurait accusé d'accuser la procession. Aïe, vous voyez, de la dénaturer. Mince. Je dis ça, je dis rien. Mais en fait, non. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a toute une question sur les sens et la mobilisation des sens. C'est-à-dire que le fait que la procession mobilise les sens, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous prenez là encore les liturgistes, ils disent que la procession doit mobiliser tous les sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, voilà, mais les fleurs aussi dont parlait Maxime Herman tout à l'heure, par exemple, ce genre de choses. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'ouïe, l'importance de l'ouïe, parce que la procession, c'est un espace sonore. C'est-à-dire qu'on insiste sur le fait qu'on doit chanter, hein, tout au long de la procession. Et en fait, Anne Piéju a travaillé sur cette dimension-là. Ça sert non seulement aux gens qui sont dans la procession, mais aussi, ça doit s'entendre dans toute la ville. Par exemple, on va avoir des boîtes de pétards, on peut avoir des décharges de mousquets, on peut avoir des choses comme ça pour les processions plus festives. Hein. Et donc, il y a aussi cette dimension-là. Donc, tous les sens sont mobilisés, mais pour les liturgistes, ils doivent être mobilisés dans le sens du recueillement, dans une maîtrise des sens. Donc là, on retrouve, on va dire, la logique du Concile de Trente, hein, la logique tridentine, où on joue sur l'émotion, mais l'émotion doit porter à la religion parce que, en fait, elle va sensibiliser, hein, au sens profond du terme. Et la question est là. Est-ce que ça entraîne vers la curiosité, et donc on n'est plus dans la religion, mais on est dans le spectacle, ou est-ce que ça entraîne vers la ferveur? Et là, vous avez opposition. Alors, vous avez d'un côté, on va dire, l'Église romaine qui dit que ça amène vers la ferveur. Côté plutôt janséniste, et puis les Lumières, qui ne sont pas toujours associées, mais on sait qu'il y a des rencontres depuis Monique Cotteret, notamment, qu'on salue. Il y a des rencontres. Et en fait, eux vont dénoncer que là, ça mène vers la curiosité, c'est-à-dire vers autre chose que la religion. Et donc, vous avez toute une littérature janséniste, pour faire vite, qui va dénoncer le simulacre, le travestissement, la curiosité, le côté théâtral. Et donc, vous voyez, le fil est étroit. Et y compris quand on prend des textes protestants, vous avez des consistoires qui interdisent aux protestants d'aller aux processions, ce qui peut paraître logique ou curieux selon le cas. Parce qu'en fait, comme c'est un spectacle, les protestants y vont pour voir, entre guillemets, hein, pour voir le spectacle. Et les pasteurs craignent la conversion, enfin craignent que ça les attire. Mais alors, faut savoir où commence et où s'arrête le spectacle. Et dans les sources, c'est en cela que c'est passionnant. Nous sommes sur un phénomène qui n'est pas uniquement français, bien entendu. C'est complètement européen. Et le regard français porté sur l'ailleurs, parfois conduit à l'étonnement. À Séville, en Espagne, une foule immense a assisté à la procession de la Semaine Sainte qui s'est déroulée avec tout le faste propre aux cérémonies religieuses de la capitale andalouse. Autour des statues de la Vierge et du Christ, les confréries de pénitents en cagoule apportaient la note austère et mystérieuse qui entoure en Espagne les manifestations collectives de la foi. Et toute la nuit, à la lueur des torches, la procession s'est poursuivie, témoignage d'un mysticisme qui demeure inchangé depuis des siècles. La Semaine Sainte à Séville dans les actualités françaises en 1951, on retrouve toujours cette référence à un passé lointain depuis des siècles. Mais il y a quand même l'étonnement de la part des Français de voir ces pénitents, et on a ces représentations, hein, avec les chapeaux pointus, enfin les cagoules, et c'est très impressionnant à voir. En France, par exemple, ça passerait pas, ça. Ah, il y en a quelques-uns dans le sud. En fait, on fait de la différence entre les voyageurs du nord et les voyageurs du sud qui vont en Italie ou en Espagne, par exemple, dans cette surprise. Mais oui, pour la plupart des voyageurs, que ce soit l'Italie ou l'Espagne, c'est un monde d'étrangeté qui, notamment de ce fait-là, mais surtout ce qui frappe le plus, alors ça peut aller ensemble, ce sont les flagellants. C'est-à-dire le fait de se fouetter pendant la marche, de montrer cette pénitence de manière très physique, on va dire, très visuelle. Et ça, c'est un élément, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que ça m'avait motivé à regarder un peu le regard que portaient les Français sur l'étranger. C'est un monde qui est à la fois le leur, parce que c'est des processions, des fêtes qu'ils connaissent, et en même temps, ça n'est pas le leur, et donc il y a un regard décalé. Et l'étrangeté passe, un, par ce qu'ils appellent les machines, c'est-à-dire donc des grandes représentations, alors qui existent en France aussi, d'ailleurs, qui vont être interdites par l'Église dans le courant du XVIIIe siècle. siècle, les mets par exemple à Amiens en 1727, donc que l'on portait au prétexte que justement ça attirait la curiosité, ça attisait la curiosité et donc ça détournait. Et en Espagne ou en Italie, on les retrouve avec des grandes mises en scène, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est les flagellants. Vraiment, et avec alors des textes qui peuvent être ironiques, donc en disant que c'est de l'hypocrisie, d'autres au contraire qui sont effrayés par cette violence. Enfin, et il y a le côté aussi qui était bien dit encore dans l'archive, le côté nocturne, c'est-à-dire le fait que la procession continue, y compris la nuit, et donc qui est là ouvre toutes les, enfin tous les récits possibles sur des côtés des fois un peu spectral, donc qui sont énoncés dans les récits de voyage. Donc là, il y a vraiment une étrangeté. Voilà, de cet élément-là, et ça entraîne, ce qui est intéressant, c'est que ça entraîne un regard en retour sur ce qui se passe en France, et la procession française, selon les voyageurs, hein, apparaît comme très ordonnée. Ils en ont une image très ordonnée, et ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur l'ordre, ce genre de choses. Oui, bah c'est impressionnant, une procession, hein, on le voit bien, avec les reliques qui sont sorties, donc là, l'émotion, elle est palpable, le saint est présent, le toucher, et puis ces statues, et puis tous ces drapés, ces tissus, c'est très impressionnant, et dès lors, je ne sais pas si on peut parler de critique, Gaël Rideau, mais en tout cas, il y a une lecture différente du phénomène de procession qui s'opère au XVIIIe siècle. Maxime Herman, votre thèse s'intitule « La religion dans la ville, histoire religieuse de Provins pendant la Révolution et l'Empire », sous la direction de Monique Cotteret. Eh bien, dans cette histoire-là, nous avons un moment révolutionnaire. Quel est le regard que les révolutionnaires vont porter sur les processions? Alors, le problème de dire révolution, c'est qu'on parle d'un tout, mais qui n'est pas un tout. Il y a un début de révolution, une évolution. Au début de la révolution, ça passe tout à fait. Au début de la révolution, ça passe très très bien. C'est que la révolution est une rupture et en même temps une continuité. La procession s'inscrit dans le cadre révolutionnaire, ou en tout cas le cadre révolutionnaire prend en compte la procession pour marquer, montrer, donner à voir la dimension providentielle de la révolution. C'est très important. On peut prendre des exemples, ça va être à Paris la bénédiction de la garde, des drapeaux de la garde nationale à Notre-Dame, ou à Provins, ou dans plein d'autres villes, ça va être la proclamation de la nouvelle municipalité, on est au tout début 1790, qui va se terminer, la proclamation qui se fait à l'hôtel de ville, et ensuite il y a une procession qui va jusqu'à l'église principale, où une messe est... et célébré par les par le clergé du lieu à Provins, donc ça va être à Saint-Quiriace. On peut penser également à Lyon, étudié par Paul Choplin, où la nouvelle municipalité va être accueillie par le clergé de la cathédrale avec une grande messe. Voilà, donc c'est vraiment inscrit dans les cadres révolutionnaires et les processions traditionnelles. Que ce soit les processions patronales, les fêtes Dieu, s'inscrivent aussi dans ce temps révolutionnaire parce que désormais, ce sont les autorités civiles révolutionnaires qui organisent et qui participent à cette nouvelle procession. Et à partir de là, il y a une préséance, mais une nouvelle préséance qui est repensée parce que la société d'ordre n'existe plus. Et donc, la question du clergé, de la noblesse, du tiers-état n'est plus posée. Et là intervient de qui doit prendre le pas. Est-ce la municipalité? Est-ce le district? Est-ce le département? Voilà, donc il y a de vraies discussions et de vrais débats autour de ces préséances. Mais il n'y a pas l'idée de supprimer les processions? Au début, non. Au début, non. Au début, non. Mais ça vient, ça intervient après, quand se pose aussi la question de la place de la liberté religieuse, de la liberté de conscience, et du fait que la religion catholique n'est plus la religion officielle de l'État. C'est une religion parmi d'autres. Et donc, en 1792, on commence à limiter la place de la procession et surtout la participation des autorités civiles. Par exemple, est-ce que la garde nationale doit encadrer, participer en armes, en costume, une procession, par exemple, de la fête Dieu, alors que tous les membres de la garde nationale ne sont pas forcément catholiques. Et voilà. Et on veut vraiment limiter l'intervention des pouvoirs publics dans la procession, et donc en fait on va limiter le financement des processions par les fabriques des paroisses notamment. C'est un culte particulier et donc c'est à ceux qui pratiquent le culte de financer ces grandes fêtes. Ben c'est vrai qu'avec la Révolution, ces tensions qui existaient, vous nous avez parlé à Gaël Rideau, entre les différents pouvoirs, ben, ne peuvent que s'accentuer parce que les pouvoirs sont pas tant en opposition que ça, plutôt complètement en en mouvement. On ne sait plus sur qui s'appuyer. Et là encore, on parle de la France comme d'une généralité, mais il faudrait voir des différences locales. Mais ces processions ne peuvent pas disparaître tant elles sont liées aussi à des identités qui dépassent même le phénomène religieux. Alors ça dépend, oui, elles peuvent, mais il y en a qui ont disparu quand même, y compris pendant l'Ancien Régime en fait. Puisque comme ça met en jeu une identité ou une communauté des fois que l'on abandonne, un exemple, il y a la procession mémorielle par exemple à Montargis qui marquait une opposition entre Français et Anglais et qui va être supprimée au moment de la Révolution, pas au nom de l'amitié entre les peuples pour le dire vite, c'est-à-dire au nom en fait de voilà qu'elle entretient justement ces haines recuites que l'on voilà qui peuvent être internes pendant les guerres civiles mais qui peuvent être aussi. Donc il y a une discussion autour de ça et après il y a la question de la place du religieux dans l'espace public, mais ce qui est intéressant c'est que quand on le prend sur un temps plus long, la question se pose déjà au 18e, c'est-à-dire avant même les événements révolutionnaires. Et en fait, la Révolution va reposer ces débats-là d'une autre manière, de manière plus développée. Hein, Maxime Herrmann l'a étudié. Mais ça s'enracine déjà dans des questions qui sont là. C'est ça qui me paraît intéressant sur cette possibilité-là. Mais elles peuvent disparaître et après, elles peuvent être recréées au 19e siècle, par exemple, ou même au 20e. On l'a eu tout à l'heure, une archive, un peu avec cette idée de recréer quelque chose avec une continuité, mais en fait, on recrée souvent autre chose. C'est-à-dire qu'on recrée quelque chose qu'on repense en fonction du contexte du 19e, par exemple, ou de ce genre de choses. Parce que cette histoire des processions s'écrit sur le temps long, le moment révolutionnaire, mais beaucoup plus large, celui du 18e siècle, mais beaucoup plus large encore, parce que ces processions elles-mêmes évoquent des passés lointains. C'est un phénomène de transmission de la mémoire, ces processions, quand vous dites, Gaël Rideau, que telle procession évoquait un épisode qui avait eu lieu 2 siècles auparavant, est-ce que cet épisode-là est toujours rappelé à chaque procession ? Oui, parce qu'en fait, là, aujourd'hui on parle de la procession, mais en fait là pour le coup, la procession s'intègre dans une fête. Et alors il y a des marqueurs, on va dire, mémoriels. Donc vous avez d'abord dans la procession même, il y a les lieux. On retourne dans les lieux où il peut y avoir des marqueurs à Auxerre, par exemple. On continue à faire la procession porte de la ville fermée parce qu'elle célèbre le départ des protestants, là encore, en 1568. Donc on maintient ça, y compris en plein 18e siècle. Et puis à côté des processions, il y a aussi des textes qui sont imprimés pour rappeler l'événement qui est à l'origine. Il y a des sermons qui sont faits pour rappeler là aussi les éléments d'origine. Donc il y a tout un ensemble autour, si vous voulez, qui reconstruit ce discours historique ou mémoriel, selon les cas, pour montrer la continuité. Et si on prend Auxerre, donc petite ville aussi, pour le coup, dans les récits, il est marqué que à chaque fois dans les archives municipales, en souvenir de la libération des protestants en 1568. Donc c'est quelque chose qui est entretenu et qui est marqué. Alors après, il y a les centenaires, il y a les bicentenaires. Mais oui, cette mémoire continue et elle est réactivée avec des éléments de récit, d'identité, Alors, qui peut être dans le parcours. Et le long des parcours, on a aussi ce qu'on va appeler des lieux de mémoire qui célèbrent à Chartres, par exemple. On construit une chapelle pour marquer le lieu où le miracle a eu lieu parce que la ville a été défendue contre les protestants, là encore. À Orléans, pour changer des protestants contre les Anglais, on va aussi aller sur les lieux où la ville a été défendue par Jeanne d'Arc. Enfin, il y a aussi cette dimension-là et qu'on pourrait qualifier de lieu de mémoire et avec toute la construction qui va avec. Donc la disparition d'une procession signifie aussi que le récit lié à cette procession ne correspond plus à l'attente d'un moment, c'est ça ? C'est ça. Ça peut être ça et ça peut être aussi le fait qu'il y ait un recouvrement des mémoires. Par exemple, si on prend Paris, il y avait la célébration donc par la procession de la victoire contre les Anglais donc au 15e siècle, et elle va être recouverte par l'entrée d'Henri IV, qui est donc célébré le 22 mars. Et en fait, le 22 mars, on va faire les deux événements célébrés en même temps, l'un effaçant un peu l'autre, ou du moins recouvrant l'autre. Donc oui, ça met en jeu ces questions-là. Oui. Et puis, les processions sont dures à disparaître. Enfin, on ne peut pas les faire disparaître comme ça, parce qu'elles sont aussi dans les habitudes, la tradition, ça aussi c'est du temps long, ça disparaît pas en un claquement de doigts, surtout quand parfois, dans certaines petites villes, on s'ennuie. Votre vie, capitaine, me fut toujours extrêmement précieuse. Je ne vous ai pas craint, jamais. Comme vous avez bien fait. Vous ne couriez pas le moindre risque, car vous erriez, monsieur, sur la neige, comme un loup affamé et riche d'inquiétude. J'avais charge d'âme. Ainsi que moi, capitaine, d'une seule et lourde âme, la vôtre. Dieu est un artiste, monsieur. Il crée continuellement, imperturbablement. Il tente d'égaler sa propre perfection, sans désirer y parvenir. C'est effrayant quand on l'imagine, cette création perpétuelle qui ne détruit jamais que pour recommencer. Dieu s'ennuie-t-il, monsieur, comme nous nous ennuyons ? Mais non, on s'ennuie pas. Enfin bon, là, c'est un roi sans divertissement. C'est Jean Giono, évidemment, une adaptation radiophonique en 1963 de ce roman de 1947. Ben oui, Maxime Herrmann, ces processions, on l'a bien dit, c'est un moment de fête, de spectacle. Quand les révolutionnaires imaginent cette rupture avec le religieux, ils se doivent de proposer autre chose, parce qu'on ne peut pas priver les gens d'habitude et de spectacle. Comment ça se passe ? Alors ça passe, donc pour compléter ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, c'est que je parlais de 1792, mais 1792 c'est la chute de la monarchie, c'est le début de la République et la place du religieux dans la cité républicaine est un vrai enjeu. Et en 1793, on supprime, on interdit, surtout des exemples locaux, les processions dans l'espace public. On les interdit pas, par exemple la procession de la Fête Dieu, qui est le grand moment du calendrier catholique, on n'interdit pas la procession, mais on la borne au mur des églises. Cela crée énormément de tensions entre les autorités républicaines désormais et les fidèles. Et évidemment, les autorités républicaines doivent proposer autre chose. Il y a d'autres types de ce que Gaël Rideau parlait, de fêtes. Le moment festif est très très important. Et la République veut créer des moments d'édification républicaine. Comment transmettre l'amour de la République, et on cherche à faire croire à la République. Ça va être par exemple des fêtes comme, alors il y en a plein, mais comme la fête de là, c'est l'anniversaire de la mort de Louis XVI le 21 janvier, c'est la fête de la prise des Tuileries, de la chute de la monarchie ou du début de la République, fête de la liberté. Où là, on va recréer une pratique processionnelle qui n'est plus catholique, bien entendu, mais qui va reprendre certains éléments des processions, notamment la question des parcours, même s'ils peuvent être modifiés. Le parcours, même s'il suit le même itinéraire, va être modifié parce que les noms des lieux a changé. Par exemple, on ne passe plus par la rue Sainte-Croix, mais on va passer par la rue des Montagnards. La place Saint-Ayoul devient la place d'armes. L'église Saint-Kyrias à Provins devient le temple de la raison. Voilà, on a toutes ces célébrations. Et on a, par exemple, le 10 août 1793 à Provins, on a cette grande fête, ce premier anniversaire de la prise des Tuileries, où on va chanter un Te Deum de la nation, de la République, de la Révolution. Voilà, donc on reprend certains traits, certaines pratiques, et on va les adapter au nouveau contexte. C'est en cela que les processions ne disparaissent pas, Gaël Rideau. C'est-à-dire il y a des transformations, mais ce qui s'est passé sous la Révolution française montre combien la procession est un phénomène religieux, mais pas que, parce que c'est assimilable par un autre pouvoir qui peut le rendre, alors laïque, je sais pas, ou en tout cas d'une religion plus civique. En fait, la question, c'est... Enfin, comment on parle de procession ? Parce que la procession, est-ce que c'est le fait de déambuler dans la rue, entre guillemets, ou est-ce que c'est le rituel religieux ? Parce qu'en fait, le rituel religieux, lui, ne disparaît pas, puisqu'il va réapparaître donc des années 1795-96 avec la réouverture. Et en fait, ce dont vous parlez, il me semble, c'est l'occupation de l'espace public, donc qui peut prendre la forme de la procession, mais qui peut prendre plus largement la forme du défilé, par exemple. Alors, il y a bien sûr continuité formelle, mais pas forcément continuité d'objectif. Donc, on voit, sous l'Ancien Régime, il y a des défilés qui ne sont pas des processions. Je pense à la proclamation de paix, par exemple, et qui ne va pas passer par les mêmes lieux, et qui ne va pas aller aux mêmes endroits que la procession, ce qui montre qu'il y a des géographies différentes, qu'on peut prendre d'autres parcours. Donc là, il y a en effet cette dimension-là, et la question qui se pose derrière, et c'est ça qui, moi, m'intéressait, c'est que ça montre bien que la procession pose cette question de l'occupation de l'espace public pour l'Ancien Régime. Voilà, et avec les aspects sociaux, politiques, religieux qui se mêlent, et qu'il faut démêler bien sûr, mais là vous avez entièrement raison, c'est que ça pose cette question-là. Et donc le vide dont parlait Maxime Herrmann, il faut le combler parce qu'il faut occuper l'espace public pour montrer autre chose. Et au 19e siècle, on va bien avoir ces débats-là, puisque selon les régimes, et là cette fois-ci c'est vraiment des questions de régime, on va autoriser ou non les processions publiques, la Restauration va les rétablir pleinement en imposant au pouvoir d'être présent, alors que la monarchie de Juillet va prendre ses distances et la République va les combattre. Et donc il y a aussi derrière, là on change d'élément, hein, c'est vraiment la tenue même de la procession qui devient un objet politique.